J'attends, j'attends ton pas. J'attends, j'attends ta voix. J'ai peur, oh oui, si peur. Peur de rester un jour sans toi. Dans une infinie mélancolie.